Voici, en deux heures, de larges extraits du roman de Jules Verne, publié en 1870, 20 000 lieues sous les mers. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, décembre 2018.